L'immense radeau, couvert d'un toit goudronné que supportent des colonnes de bois, est relié à l'île charmante de Croissy par deux passerelles, dont l'une pénètre au milieu de cet établissement aquatique, tandis que l'autre en fait communiquer l'extrémité avec un îlot minuscule planté d'un arbre et surnommé le pot à fleurs, et de là gagne la terre auprès du bureau des bains. Monsieur Paul attacha son embarcation long de l'établissement, il escalada la balustrade du café, puis, prenant les mains de sa maîtresse, il l'enleva, et tous deux s'assirent au bout d'une table, face à face. De l'autre côté du fleuve, sur le chemin de halage, une longue file d'équipage s'alignait. Les fiacres alternaient avec fines voitures de gommeux. Les uns lourds, au ventre énorme écrasant les ressorts, attelés d'une rosse, au cou tombant, aux genoux cassés. Les autres, sveltes, élancés sur des roues minces, avec des chevaux, aux jambes grêles étendues, aux coups dressés, aux morts neigeux d'écume, tandis que le cocher, gourmé dans sa livrée, la tête raide dans son grand col, demeurait, les reins inflexibles, et le fouet sur un genou. La berge était couverte de gens qui s'en venaient par famille ou par bande, ou deux par deux, ou solitaires. Ils arrachaient des brins d'herbe, descendaient jusqu'à l'eau, remontaient sur le chemin, et tous, arrivés au même endroit, s'arrêtaient, attendant le passeur. Le lourd bachot allait sans fin d'une rive à l'autre, déchargeant dans l'île ses voyageurs. Les bras de la rivière, qu'on appelle le bras mort, sur lequel donne ce ponton à consommation, semblaient dormir, tant le courant était faible. Des flottes de yoles, de skiffs, de périssoirs, de podoscaves, de gigs, d'embarcations de toutes formes et de toute nature, filaient sur l'onde immobile, se croisant, se mêlant, s'abordant, s'arrêtant brusquement d'une secousse des bras, pour s'élancer de nouveau, sous une brusque tension des muscles, et glisser vivement, comme de longs poissons, jaunes ou rouges. Il en arrivait d'autres sans cesse, les uns de Chatou, en amont, les autres de Bougival, en aval, et des rires allaient sur l'eau d'une barque à l'autre, des appels, des interpellations, ou des engueulades. Les canotiers exposaient à l'ardeur du jour la chair brunie et bosselée de leurs biceps, et, pareils à des fleurs étranges, à des fleurs qui nageraient, les ombrelles de soie, rouges, vertes, bleues ou jaunes, des barreuses, s'épanouissaient à l'arrière des canots.